Attends, j'essaie de faire un riff de... Le riff de Bilos. Tiens, pourquoi j'ai pas plus que je fais, moi? Ouais. Bon, je vais essayer, moi. On s'en fout du batteur. Ça va la guitare là? Ça va la guitare quoi? Attends, ça combien ça? 87. C'est une disco, je sais pas quoi, Van 51. Ça ressemble à. C'est quoi ça? Du PV, PV, non? On dirait un PV, sans le prix. C'est quoi Van 51 en fait? Je connais pas trop les machines.

on n'entend pas ma batterie. Ça serait que ça. Tout à l'heure c'était le même niveau. Attends, attends. Et ça marche pas ce truc level là. Moins 14. Thank you. Thank you.